99.8, 104.7, deux fréquences, une radio. Radio Gaillac, c'est radio en nous toutes. Gaillac, il est 8h. Deux fréquences, une radio. Radio Gaillac, c'est radio en nous toutes. Ooh. Gaillac, il est 8h. De fréquence, une radio. Radio Gaillac, c'est radio en nous toutes.